craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Craignez Allah Azza wa Jal et Allah Azza wa Jal vous donnera la bonne compréhension de la religion. Craignez Allah Azza wa Jal où que vous soyez, quiconque que vous fréquentiez, rappelez-vous qu'Allah Azza wa Jal nous observe tous constamment. Et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah, le Très-Haut. Et que la meilleure des guidées, des voies, est la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que les pires des choses sont toutes les choses nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal. Et toutes ces choses nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal sont des innovations religieuses, ce qu'on dit en arabe les bid'a. Et les bid'a sont pires que celui qui commet un péché. Faire une bid'a, une innovation, dans la religion complète d'Allah le Très-Haut, c'est pire que celui qui fait un péché. C'est pire que celui qui fait un péché. Allah Azza wa Jalla dit Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils des associés en dehors d'Allah qui leur ont légiféré des choses dont Allah n'agrée pas? Allah, il agrée que ceux qu'il a légiféré. Donc on ne se doit pas de commencer à inventer des choses en pensant que c'est bien afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par ses actes innovés et inventés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le Sahih Muslim, selon Aisha radiallahu anha, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Quiconque fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre se verra rejeté. Cette œuvre sera rejetée. Il a perdu son temps à faire ses innovations qui sont pires que celui qui commet un péché. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit et prenez garde de toutes les choses nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah. Car toutes les choses nouvellement inventées sont des innovations religieuses et toute innovation religieuse est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Que ceux qui croient qu'il y a des bonnes innovations, alors qu'ils s'imaginent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de commencer la khutbah, en train de dire « Wa iyyakum wa muhdathat al-umur » فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَفِي رَيَوَيَا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Prenez garde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, alors qu'il s'imagine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire la khutbah, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là dit, et prenez garde, comme c'est rapporté authentiquement, et prenez garde de tout ce qui est inventé dans la religion d'Allah, car tout ce qui est inventé dans la religion d'Allah sont des innovations, et toutes les innovations sont un égarement, et dans une narration, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Alors qu'ils se lèvent et qu'ils disent, non, pas toutes les innovations sont mauvaises. A'oudou billah. Tout ce qui n'a pas été rapporté authentiquement, ce qui ne provient pas d'une preuve authentique, le Coran et la Sunna, et selon la compréhension qu'a donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ses sahaba, il n'a pas de preuve, il n'a pas le droit d'adorer Allah Azza wa Jal comme il veut. Et on se rappelle, dans toute cette série de khotab, que celui qui fait des innovations religieuses, qui veut innover dans la religion d'Allah Azza wa Jal, qui veut suivre des groupes et des sectes égarés, celui-ci ne parfait pas le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Car parmi les conditions de parfaire le pur monothéisme d'Allah Azza wa Jal, c'est de ne pas faire d'innovation religieuse. Serviteur d'Allah, après avoir vu dans les précédents sermons sur le tawhid, ses bienfaits, l'invitation au pur monothéisme d'Allah, ainsi que la peur de ceux qui opposent le tawhid, c'est-à-dire, qu'est-ce qui oppose le tawhid, c'est-à-dire le shirk, l'associationnisme à Allah, nous allons voir son sens, car certaines personnes se trompent concernant la compréhension de ce qui est voulu par le tawhid d'Allah. Et ils pensent que cela se restreint à tawhid al-rububiyya, à l'unicité d'Allah dans sa seigneurie uniquement. Alors que ce n'est pas ce qui est voulu par le tawhid. Et on entend beaucoup de prédicateurs aux portes de l'enfer se filmer et faire des vidéos sur YouTube. Il y en a plein, notamment un qui est très connu sur YouTube, qui s'appelle du nom de Hassan Iquissen. Cet individu qui parle sur Allah Azza wa Jal sans science, donne son propre sens du tawhid. En disant aux gens, le tawhid, c'est pas ce qu'ils vous disent là, ils vous embêtent avec la croyance. Il y avait une femme en rapportant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais regardez comment il trompe les gens par cela. Il leur dit, le vrai tawhid c'est quoi? Eh bien regardez, il y avait une femme qui adorait Allah Azza wa Jal qui se levait la nuit et priait. Mais, lorsqu'elle est morte, beaucoup de gens disaient du mal sur elle. Ils ne l'aimaient pas comment elle était. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que celle-ci, alors, est en enfer. Tandis qu'il y avait une autre femme qui ne faisait pas, parce qu'il a mal. Il a mal. Regardez comment il trompe les gens, ces individus. Il n'a pas dit le hadith dans sa totalité. Il y avait une dame qui ne faisait pas les œuvres surérogatoires telles que l'autre le faisait. Elle se tenait aux obligatoires. Elle faisait ses obligatoires. Mais elle ne faisait pas les œuvres surérogatoires comme l'autre le faisait. Elle ne se levait pas la nuit pour prier des prières surérogatoires. Et lorsqu'elle est morte, ses voisins disaient du bien sur elle, et ils étaient tristes, et ils disaient que celle-ci est au paradis. Et ce déjeuner conclut en disant, c'est ça le vrai tawhid, l'essentiel c'est que comment tu es avec les gens. Subhanallah. Combien de personnes qui ne sont pas musulmanes ont des comportements meilleurs en termes de relationnel avec les gens? J'en connais beaucoup. Ils ne sont pas des musulmans, c'est des kofas, mais ils ont des bons comportements. Ils respectent tes droits. Ils te respectent, etc. Ces comportements-là, ça se tient juste au comportement. Mais ce bon comportement-là ne les servira à rien s'ils meurent sur la mécréance. Tandis qu'un musulman qui n'associe rien à Allah Azza wa Jal et qui commettait des péchés, et s'il meurt sans s'en être repenti de ses péchés qu'il a commis, il tombe sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonne de par sa miséricorde. Et s'il veut le châtier, il le châtie de par sa justice et le fera rentrer en enfer pour une période de temps que seul Allah Azza wa Jal sait. Puis, après, il pourra rentrer au paradis, car il faisait partie des monothéistes. Donc, si ta croyance n'est pas correcte, et que tu associes à Allah Azza wa Jal, et que tu meurs en ayant pratiqué cet associationnisme-là, même si tu as été gentil avec les gens, cela ne te sera bénéfique en rien auprès d'Allah Azza wa Jal. Il faut avoir cette ferme croyance, et ne pas se faire tromper par des prédicateurs aux portes de l'enfer, qui prennent le micro comme cela et fait tromper les gens. Et cet individu, subhanallah, qui parle sur Allah Azza wa Jal sans science, il a de nombreuses vidéos. Et cet individu fait partie de la secte des frères musulmans, dans lesquelles il fait des éloges à Sayyid Qutb, en disant que Sayyid Qutb est une pointure. Et je le dis et je le redis, que je considère que n'importe quel individu qui fait des éloges à cet innovateur de Sayyid Qutb, c'est de l'apologie au terrorisme. Sayyid Qutb, dans ses livres, avait écrit qu'il encourageait les jeunes à déposer des bombes dans les cabarets et les cafés. Et cet individu-là fait des éloges à Sayyid Qutb en disant « c'est une pointure ». Ou bien, il défend avec bec et ongle Al-Qardawi. Oh, attention, Al-Qardawi qui a dit ça, Al-Qardawi. Allah, il a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Ouais, mais Al-Qardawi. Il a permis que tu fasses un crédit bancaire avec intérêt pour acheter une maison. Al-Qardawi est l'auteur de la fatwa qui a autorisé les attentats suicides. Et ce qui est étonnant, c'est que ces individus parlent en toute impunité, comme ça, en faisant des vidéos, ils sont invités ici et là. Sois gentil. Et ils ne sont ni inquiétés, ni rien du tout. Subhanallah. Donc, on doit comprendre de ne pas se faire tromper par le sens du tawhid. Ce qui est voulu par le tawhid d'Allah concerne le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration tout en se désavouant de l'associationnisme. Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens du verset, « Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. » Ceux qu'ils invoquent, yani les associateurs qui invoquent, que ce soit des anges, voilà, que ce soit des vertueux, eh bien eux-mêmes, ces anges, voilà, ces vertueux qui sont morts, ils recherchent à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Et voici là, en arabe, lorsqu'on fait la traduction du sens, eh bien, c'est signifie le moyen de se rapprocher le plus d'Allah. Le sens étant, c'est qu'ils ont fait des œuvres dans le but de se rapprocher d'Allah. Ils ont fait des œuvres pieuses dans le but de se rapprocher d'Allah. Ils espèrent sa miséricorde, c'est-à-dire qu'ils ne l'espèrent de personne d'autre. Ils espèrent la miséricorde que d'Allah. Ils ne l'espèrent pas de quelqu'un d'autre. Et craignent son châtiment, c'est-à-dire ils ne craignent rien ni personne en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ils ne craignent qu'Allah et ils n'espèrent la miséricorde que d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal nous informe que ce dont les associateurs invoquent en dehors d'Allah, parmi les anges, les prophètes, les vertueux, eux-mêmes, ces anges, ces prophètes, ces vertueux, souhaitent la miséricorde d'Allah, craignent son châtiment. Alors si eux-mêmes éprouvent cela, ils font partie des serviteurs qui adorent Allah. Alors comment peuvent-ils se faire invoquer avec Allah alors qu'eux-mêmes sont préoccupés de leur propre personne? Ils n'invoquaient qu'Allah et se rapprochaient d'Allah par les actes d'adoration. Et ce verset prouve donc que le sens du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah, qui signifie que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Car il y a d'autres divinités, comme tous le savent, faut pas renier cela. Faut pas avoir ce discours, non, je ne crois pas qu'il y a d'autres divinités. Il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Il faut le dire, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit. Pourquoi on dit que ce sont des divinités? Car les gens se sont mis à les adorer. Bouddha, les gens se sont mis à les adorer. La croix, les gens se sont mis à les adorer. Isa alayhi salam, Jésus, les gens se sont mis à les adorer. En les adorant, ils les mettent au rang de divinité. En craignant, comme on a oubled, il y a un wali, Sidi Mehri, Sidi Ben Isa, Sidi je ne sais pas qui, il est mort, Sidi Abdel Qadr al-Jilani, il est mort. Ils ont une crainte. Comme on se doit de craindre Allah. Oui. Donc, ce verset prouve que le sens du tawhid est l'attestation de la ilaha illallah et que cela implique obligatoirement le délaissement et le désaveu de ce sur quoi étaient les associateurs qui invoquaient les vertueux, leur demandant l'intercession, leur demandant de dissiper un mal ou de le changer. Et tout cela fait partie du shirk akbar, de l'associationnisme majeur. C'est la pire des choses que d'associer à Allah Azza wa Jal ou de ressentir une quelconque crainte ou un quelconque amour comme on le ressent pour Allah Azza wa Jal. Ou que tu penses que quelque chose en dehors d'Allah Azza wa Jal peut impacter dans ta vie ou dans ton futur, etc. Ça, si la personne a cette croyance-là, elle commet de l'associationnisme majeur. Ça veut dire qu'elle n'est plus musulmane. Et ça veut dire que si elle meurt sur cet état-là sans s'en être repentie, elle sera en enfer pour l'éternité. Et ceci est donc une réfutation contre ceux qui invoque les awliyaïs ou les vertueux dans la dissipation d'un mal ou dans l'apport d'un bien, étant donné que ceux qui sont invoqués ne possèdent même pas pour eux le moyen de se dissiper un mal ou de s'apporter un bien, alors comment le deux détiendrait-il pour autrui? Et cela prouve également la forte peur des vertueux et des prophètes alayhum salatu wasalam, vis-à-vis d'Allah azza wa jal, et leur souhait de la miséricorde d'Allah. Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset: et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Pourquoi Ibrahim alayhissalam a dit à son père et à son peuple, le père d'Ibrahim alayhissalam, donc le père d'Ibrahim construisait les idoles, les statues. Ibrahim alayhissalam, il a dit, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Car ces polythéistes, ces associateurs, ils adoraient leur statue, mais ils adoraient aussi Allah. Ils adoraient leur statue et ils adoraient Allah. Ils associaient Allah, Azza wa Jal. Allah le Très-Haut nous informe dans ce verset qu'Ibrahim, alayhi salam, s'est totalement désavoué de tout ce qui est adoré, excepté Allah qui l'a créé. Alors, il n'adore qu'Allah seul, sans rien lui associer. Et ce verset prouve que le sens du pur monothéisme, du tawhid d'Allah Azza wa Jal, et de l'attestation de foi que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, cela implique obligatoirement le désaveu de l'associationnisme. Étant donné que l'attestation de foi « La ilaha illallah » est composée d'une négation « La ilaha » nulle divinité n'est en droit d'être adorée en toute vérité. Ça, c'est la partie négative de l'attestation de foi. Et c'est ce qu'a dit Ibrahim alayhissalam sous la forme « Je désavoue totalement ». Celle-là, c'est la négation. Et une affirmation, isbat, l'affirmation est dans ce que Ibrahim alayhissalam a dit « Excepté celui qui m'a créé ». Illallah dans l'attestation de foi. Donc on tire comme bénéfice de ce verset que le sens de la ilaha illallah, c'est le pur monothéisme à Allah par la sincérité du culte voué à Allah seul, avec le désaveu de toute adoration vouée à autre qu'Allah le Très-Haut. Et cela implique également le désaveu de la religion des associateurs. L'islam, c'est la seule religion qu'Allah Azza wa Jal agrée et accepte. Et l'islam, c'est la religion de tous les prophètes et envoyés par Allah Azza wa Jal. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal. Ce qui diffère entre les différents prophètes, c'est dans la législation qui a été révélée. La prière que l'on fait actuellement, qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas la même prière que faisait Isa alayhi salam, que faisait Jésus ou que faisait Moussa alayhi salam, Moïse. D'accord? Et donc les autres religions qui sont apparues, que ce soit judaïsme, chrétienté, etc., catholicisme, ce sont les gens qui se sont égarés de la voie de leurs prophètes, ils ne suivaient plus, donc leurs prophètes se sont mis à inventer leur propre religion et leur propre égarement. Et cela, ce verset-là montre aussi la législation du désaveu des ennemis d'Allah, même s'ils sont des proches, comme Ibrahim alayhissalam s'est désavoué de son père qui a refusé le conseil sincère. Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset, ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Messie, fils de Marie, Maryam, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'ils n'ont été ordonnés qu'adorer une divinité unique, nulle divinité digne d'adoration en toute vérité excepté Allah, gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Et la divinité, c'est ce qui est adoré avec vérité ou avec fausseté. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré avec fausseté, étant donné que ce sont toutes des créatures. La seule vraie divinité qui est adorée en toute vérité, c'est Allah Azza wa Jal seul. Car c'est le seul créateur. Il y a dans cette ayah de Surat al-Tawbah l'explication du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le hadith où Awd ibn Hatim, lorsqu'il est entré, a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset. Ils ont pris leur prêtre et leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Maryam, comme seigneur en dehors d'Allah. Ils les ont pris comme seigneur. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ce verset-là, Udd ibn Hatim a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cela. Il lui a dit, ils ne les adorent pas. Ils ne sont pas en train d'adorer leur rabbin et leur moine. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, mais si, ils leur ont interdit, yani les rabbins et les moines, ont interdit le licite et ils leur ont permis l'illicite. Et eux les ont suivis dans cela. Ceci est donc leur adoration. Ce verset prouve que fait partie du sens du tawhid et du sens de la ilaha illallah, c'est l'obéissance à Allah dans le fait de rendre licite ou illicite. Et ceci n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Et qu'il faut uniquement obéir à Allah Azza wa Jal dans cela. Donc quiconque a pris un individu en dehors d'Allah, qui lui rend licite les choses et lui interdit d'autres choses, celui-ci est un associateur. Il a rendu licite des choses qui étaient illicites ou il a rendu illicite des choses qui étaient licites. Comme certains ne veulent pas manger ce qu'on appelle les fruits de mer, les crevettes, les... Il te dit, c'est haram. Subhanallah. Haram, tu l'as sorti d'où? On doit craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un qui mange un plat de fruits de mer, que ce soit les crevettes, les... Yani, yani, tout ce qui provient de la mer. Et tu dis, non, non, moi dans le madhhab al-Hanafi, c'est haram. Subhanallah. On doit craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. C'est Allah Azza wa Jal qui rend haram ou qui rend halal. Jusqu'à ce que les savants de la sunna ont dit, lorsque tu es dans un endroit, dans une forêt, et que tu ne sais pas si telle chose est halal ou haram, alors tu le manges. Tu le manges, car tu n'as pas de preuve. Mais s'il apparaît que on te rapporte une preuve en te disant que telle chose est haram, alors tu arrêtes, là tu stops. Et ce verset réfute également les Nasara, les chrétiens, qui dans leur croyance vis-à-vis de Isa alayhi salam, que ce verset prouve que Isa alayhi salam, c'est un serviteur d'Allah. Et Allah Azza wa Jal est au-dessus de ceux que lui associent les associateurs. Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. En les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Et cela fait également partie de ce qu'implique du sens de la ilaha illallah, le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans l'amour qui doit lui être voué. Et ce qui implique la sincérité dans l'adoration à Allah, l'humilité qu'on doit vouer à Allah Azza wa Jal seul, la crainte qui ne doit être vouée qu'à Allah Azza wa Jal seul, car tu dois aimer Allah Azza wa Jal au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu dois aimer Allah Azza wa Jal. Tu as le droit d'aimer ta famille, tu vois. On doit aimer Allah Azza wa Jal au-dessus de tout. Puis on aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que notre propre personne. Et on aime, bien sûr, on aime notre famille, on aime nos frères en Allah Azza wa Jal. Mais l'amour à Allah Azza wa Jal doit être au-dessus de tout et non pas égal. Et ceci est le type de shirk, le type d'associationnisme qu'avait le peuple de Quraysh. Yuhibbunahum ka hubbillah. Ils aimaient leurs idoles comme on aime Allah. Eux, ils adoraient Allah, ils invoquaient Allah, mais ils invoquaient aussi en dehors d'Allah. Et même lorsqu'ils faisaient le hajj, les associateurs de Quraysh, ils faisaient le hajj et ils disaient labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk illa sharik fulan wa fulan wa fulan, subhanallah. Donc ils disaient, oh Allah, nous répondons à ton appel, tu n'as aucun associé excepté l'associé un tel, un tel, un tel. C'était les associateurs de Quraysh, car ils croyaient qu'Allah était le seul créateur. Ils aimaient Allah, mais ils aimaient leurs statues et leurs idoles comme on aime Allah. Donc ils étaient tombés dans l'associationnisme, dans l'amour, shirk al-mahabba, qui fait partie du shirk akbar, l'associationnisme majeur qui invalide l'islam de l'individu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Muslim dans son sahih, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, quiconque témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, et qu'il mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens sont sacrés et son jugement revient à Allah. Et dans ce hadith, nous voyons également le sens de la ilaha illallah, étant donné que l'individu qui sait ce que signifie la ilaha illallah, il le prononce, il le dit, mais il ne mécroit pas en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, même s'il dit toute sa vie la ilaha illallah, ça ne lui sert à rien. Même s'il fait 5 fois ses salettes par jour, les salettes obligatoires, il les fait, alhamdoulilah, il fait le hajj, il fait le siyam, il fait la umra, subhanallah. Mais il ne mécroit pas en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ça ne lui sert à rien. Car il est obligatoire de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il est obligatoire de se désavouer de toute chose qui est adorée en dehors d'Allah et se désavouer de toutes les autres fausses religions. Et non pas authentifier des religions en disant que ce sont des religions divines. On voit donc l'importance du désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le musulman se doit de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, avec tout ce que cela implique. Et non pas de fêter les fêtes des kofars, ou d'attendre Noël, et puis etc. Ou de fêter Noël le 24, ou d'acheter les œufs de Pâques. Tout ce qui a été produit dans la confiserie, etc., et dans les chocolats pour les fêtes des kofars, il est strictement interdit de les acheter, qu'Allah nous en préserve. On demande à Allah Azza wa Jal de nous montrer la vérité comme étant la vérité et qu'on la suive et qu'on s'y accroche, et de nous montrer le faux comme étant le faux et qu'on s'en écarte, qu'on s'en désavoue et qu'on met en garde contre. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna at-tiba'a. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد